Dimanche 17 mars, bonsoir madame, monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Des arbres, espèces de pinus se sont menacés en province Gitega. Le chargé de l'environnement dans cette province met en garde les auteurs de l'assèchement de cette espèce. En province Kayanza, on vous parlera des divergences d'opinion en commune Gatara de cette province quant à la vasectomie et ligature des trompes comme méthode contraceptive. La chronique nutrition de ce dimanche est centrée sur la consommation du céleri. Sera la deuxième partie en international et en Russie. C'est ce dimanche le dernier jour de vote pour le fauteuil présidentiel, un pays en crise avec l'Ukraine depuis février 2022. Quatre candidats sont en lice, dont l'actuel président Vladimir Poutine. Et vous l'entendrez dans cette édition, mise en onde par Albert Ndouayou. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Parlons santé. Pour débuter cette édition, les habitants de la commune Gatara en province Kayanza divergent sur l'usage de la vasectomie et la ligature des trompes comme méthode contraceptive. Docteur Eric Bizimana, chargé du service de gynécologie, indique que la vasectomie et la ligature des trompes sont des méthodes les plus sûres dans la limitation des naissances. 26 hommes et femmes de cette province ont déjà adopté ces méthodes ces trois mois de l'année en cours. Le point avec Patrick Nsengiyouf. La commune Gatala est l'une des communes les plus peuplées de la province Kayanza. Toutefois, certains des habitants de cette commune disent que l'usage de la vasectomie chez les hommes et la ligature des trompes chez les femmes seraient certains des moyens de la réduction des naissances. Une femme originaire de la zone Ngolo en cette commune avec laquelle nous nous sommes entretenus fait savoir qu'elle est en commun accord avec son mari sur l'usage de la vasectomie et la ligature des trompes et qu'il reste qu'il se confie à une structure de soins pour le faire. Une autre femme rencontrée en zone Gatala nous a fait savoir qu'elle ne peut pas adopter la ligature des trompes comme méthode contraceptive, expliquant que ça serait pour elle empêcher. Ce ne sont pas seulement les femmes à Gatara qui ne convergent pas sur l'usage de ces méthodes, car même des hommes en cette commune ne le voient pas de la même manière. Niyonzima Gérard trouvait que la méthode naturelle serait une méthode de limitation et de la réduction des naissances, plus sûre que la vasectomie et la ligature des trompes. Damas Ngulikia, un autre homme rencontré en commune Gatara, lui, fait savoir que l'usage de ces méthodes chez lui favoriserait sa femme à se lancer dans la débauche sexuelle. Car, explique-t-il, elle serait sûre qu'elle ne va pas être engrossée. Bizimana Eric, docteur à l'hôpital Kayanza en charge de la gynécologie, indique que la vasectomie et la ligature des trompes sont des méthodes de la planification familiale les plus sûres dans la réduction des naissances. Il tranquillise également des hommes qui pensent que la vasectomie serait considérée comme une castration. Signalons qu'en 2022, 13 hommes et 67 femmes ont adopté ces méthodes contraceptives, dont la vasectomie et la ligature des trompes, contre 20 hommes et 66 femmes en 2023. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyouf pour la radio Isanganilo. Parlons environnement. Les arbres d'espèces de pinus en province Gitega sont menacés par des gens taillant leur tronc pour en tirer des brindilles utilisables pour allumer le charbon de bois sur des brasiers. Et l'une des conséquences, plusieurs de ces pinus se sont déjà séchés. Un constat amer du chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE à Gitega. Jean-Marie Hatungimana demande concernés de rompre avec un tel comportement, faute de quoi le code forestier sera appliqué à leur encontre. Les détails avec Gérard Nibigira. Le chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBPE à Gitega, Jean-Marie Hatungimana, reconnaît que l'espèce d'arbre qui est le pinus est menacée par des gens qui taillent des bouts centraux pour en tirer des brindilles et utiliser pour allumer le charbon de bois sur un brésier, à tel point que plusieurs de ces pinus se sont déjà asséchés. Nous avons déjà remarqué que l'espèce de pinus est tellement menacée par les gens qui exploitent à environ 1,5 m. Donc, ils cherchent du bois, peut-être qu'ils vont vendre à ceux qui ont des restaurants surtout et qui veulent que le feu soit allumé le plus tôt possible. Donc, nous avons déjà constaté cette attitude qui est d'ailleurs une attitude à bannir. Les vendeurs de ces brindilles du marché central de Gitega disent qu'ils les achètent aux enfants qu'ils leur apportent. Mais ces enfants, trouvables massivement dans la partie du marché central de Gitega appelée Mukabasazi, nient catégoriquement qu'ils ne les tirent pas des troncs d'arbres et d'espèces de punis qu'ils taillent debout et expliquent qu'ils les achètent en province Ruigi. Cependant, le responsable de l'OBPE à Gitega, Jamaya Tungimana, demande à toute personne qui taille des troncs de punis pinus debout pour en tirer ses brindilles, de rompre avec cette attitude, sinon le code forestier sera appliqué. D'abord, c'est la sensibilisation contre cette habitude de vouloir exploiter cette espèce, parce que l'espèce de pinus, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Donc, nous essayons de faire tout pour protéger l'espèce en question. Et si nous sensibilisons et qu'il y a des gens qui ne sont pas sensibilisés, nous devons utiliser notre outil, qui est le code forestier en vigueur. Vous saurez que ces brindilles dont il s'agit se vendent par petites touffes de 100 francs ou 200 francs la touffe. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons à présent éducation en province Cibitoke où sont bons pupitres de néo-lycée Rukana 1 et 300 cartes mutuelles et des vivres attribués à des patients de l'hôpital Cibitoke, tel est le don d'une valeur de 7 millions de francs burundais octroyé par l'association Good Seeds International Ministry vendredi dans la commune Rugombo. Les directeurs de cette école et le directeur communal apprécient ce don. Ils expliquent que parfois les élèves s'asseyent à même le sol et demandent à cette association d'appuyer d'autres écoles en besoin. Les précisions de Oreb Ingabire. Ces bancs pupitres qui ont été attribués à l'école Rukana 1 de la commune Rugombo par l'association Good Seeds International Ministry vont aider les élèves à étudier dans de bonnes conditions. Le représentant de cette association explique qu'ils ont choisi cette commune parce qu'elle fait face à un manque de bancs pupitres. Sur cela, le directeur communal de l'éducation a précisé que le total des bancs pupitres existants est au nombre de 7112 sur un effectif d'élèves s'élevant à 43 556. L'école de Rukana 1 avait besoin de près de 300. Lui, ainsi que le directeur de cette école, apprécie cependant ce don et demande d'assister également d'autres écoles. Cette association qui œuvre dans le cadre d'appuyer différentes provinces dans le domaine de l'éducation et de la santé a également octroyé des cartes mutuelles aux personnes démunies de cette commune. Jean-Claude Ndouaye-Dzou, représentant de cette association, a précisé que ces dernières vont servir pendant une année. Les bénéficiaires ont apprécié. Il précise qu'en cas de maladie, leur santé se détériorait faute de moyens pour aller se faire soigner. Nous vous remercions d'avoir pensé à nous. On n'avait pas les moyens, donc on ne s'attendait pas à ça. Lorsque je tombais malade, je restais cloîtrée à la maison, faute de moyens. Nous demandons à cette association de rester auprès de la population. Vous voyez que notre santé a besoin de s'améliorer. Merci d'avoir pensé à nous. De nos jours, il arrive qu'une personne manque de moyens pour subvenir à ses besoins. Alors, nous apprécions ce don de carte et nous serons utiles. Avec notre âge, chercher de la carte mutuelle peut devenir casse-tête. Jean-Claude Ndouaye-Dzou a indiqué que ce don de bancs pupitres, de cartes mutuelles et de vivres a coûté 7 millions de francs burundais. Selon lui, ils ont commencé dans la province de Cibitoke, mais il prévoit de continuer à soutenir même la population de différentes provinces. Il appelle d'autres associations de travailler en synergie et de pouvoir arriver sur terrain pour s'enquérir des besoins des habitants. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Place à la chronique nutrition de ce dimanche. Le céleri favorise la production de l'acide chlorhydrique dans l'estomac qui permettra une meilleure digestion des aliments. Selon Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, ce légume améliore le grain et la qualité de la peau en l'hydratant en profondeur. Sa consommation est recommandée, dit-il, en cas de douleur articulaire, l'asthme et aux personnes qui souffrent de l'hypertension. La chronique nutrition est signée Jean-Marie Mayong. Dans la chronique nutrition récente, le chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouineza nous a parlé des propriétés de céleri. Aujourd'hui, ce chercheur va nous parler des personnes qui sont recommandées à consommer beaucoup plus. Jean-Paul Ouineza explique que le céleri possède une action qui neutralise l'excès d'acide dans le sang. Le céleri, notamment en bouillon, possède une action alcalinisante et reminéralisante semblable à celle de l'oignon. Il neutralise l'excès d'acide dans le sang et facilite l'élimination des acides métaboliques à travers l'urine. En cas aussi d'hypertension, le céleri contient assez de sodium, environ 87 microgrammes par 100 grammes, ce qui permet l'élaboration de sel de céleri. Il possède un effet hypotensif grâce à l'effet vasodilatateur de son huile essentielle et d'une substance appelée 3-butylbutyralide. Ainsi qu'à son action diurétique, sa consommation est donc conseillée aux hypertendus. Le céleri, selon Jean-Paul Wineza, il réduit le niveau de cholestérol dans le sang. Ce légume est aussi important pour les diabétiques. En cas aussi d'excès de cholestérol, ils font aussi faire recours au céleri. Le céleri est capable de réduire le niveau de cholestérol dans le sang et tambo légume pour réduire le niveau de cholestérol dans le sang. En cas aussi de diabète, le céleri contient des petites quantités de glycoquinine, une substance possédant une action similaire à celle de l'insuline qui réduit le niveau de sucre dans le sang. Il est très indiqué en cas de diabète. Selon Jean-Paul Wineza, pour le cas des maladies qui attaquent la peau, le céleri peut contribuer à améliorer l'élasticité et la fermeté de la peau. Le psoriasis, c'est une maladie qui se localise sur la peau. Le céleri contient de psoralène, des substances. En fait, c'est une substance qui peut produire chez les personnes sujettes à cette maladie une sensibilité de la peau à la lumière du soleil. Ces substances exercent un effet protecteur sur la peau en cas de psoriasis. Une maladie difficile à traiter qui se caractérise par l'apparition qui est caractérisée par l'apparition des plaques rouges. Vous verrez des personnes qui présentent des taches rougeâtres comme ça, la squamation de la peau. Le céleri est originaire du bassin méditerranéen. Même au Burundi, ce légume est cultivable. Page internationale. En Russie, ce dimanche, c'est le dernier jour de vote. L'opposition au président Vladimir Poutine aux commandes depuis 24 ans appelle à une mobilisation massive. De premières estimations et les résultats d'un sondage d'un institut étatique devraient être connus peu après la fermeture des derniers bureaux de vote à 19h à temps universel. Quatre candidats sont en lice, dont l'actuel chef de l'État, Vladimir Poutine, un pays en crise avec l'Ukraine depuis février 2022. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également Albert Douai qui assurait la mise en onde. Mireille Kanyangi.